Dans le Nouveau Monde, la cité des Halles. Ce n'était pas vraiment une cité, une succession d'arbres, de bosquets, de fougères, où vivaient en paix plusieurs races animales. Des écureuils, des lapins, des biches, des oiseaux de toutes sortes. Combien de temps s'était écoulé depuis notre arrivée ici? 2 semaines? 3 semaines? Nous faisions de bien étranges prisonniers. Libres de nos mouvements, nourris, logés, protégés. Berthold et d'autres écureuils nous avaient construit un petit abri à même le sol à l'aide de feuilles mortes et de brindilles. Et durant tout ce temps passé à Éole, Mila et moi avions pu apprendre les noms des choses du Nouveau Monde, comprendre le cycle du jour et de la nuit, qui ici durait 24 heures et non pas 38 comme dans les cavernes. Le soleil se levait, parcourait le ciel, puis se couchait. Oh, bien dormi, moi. Mila s'étirait au dehors. Je restais assis dans notre hutte, laissant mon regard dériver sur les allées et venues du peuple d'Éole. Un nouveau jour se levait. La seule chose qui faisait de nous de vrais prisonniers, c'était notre statut. Nous étions comme des parias. Même si les divers habitants des Halles s'avéraient d'une politesse exemplaire, peu venaient de même nous voir. Nous n'avions, depuis le temps que nous étions là, qu'un seul et unique interlocuteur, Berthold. Vous êtes réveillé ? Bonjour, Berthold. Bonjour. Il descendait d'un arbre avec souplesse. Je vais vous demander de me suivre. Pourquoi ? On va où ? Le conseil des Halles se réunit aujourd'hui pour discuter de votre cas. Discuter de notre cas ? Il est temps de décider si vous avez une place ici avec nous. Il est temps pour nous de connaître toute votre histoire. Ensuite, le conseil tranchera. Soit vous restez ici, soit vous... Berthold baissa la tête comme si cela lui pesait de nous annoncer la triste nouvelle. Mila termina la phrase pour lui. Soit vous nous bannissez, n'est-ce pas ? Ce sont nos lois, Mila. Préparez votre défense. Ce sera plus un jugement. Un jugement ? Mais de quoi on est accusé ? D'être différent. Différent. Aux yeux de Berthold et des siens, au regard de tous les habitants des Halles, nous avions commis une faute. La différence. Mais eux-mêmes ne se ressemblaient pas trait pour trait, ils étaient de races différentes. Alors pourquoi ? Berthold nous amena au cœur d'un arbre, le plus grand de tous, l'arbre du conseil. Nous passâmes par le trou menant à l'intérieur. La salle était large et ronde, creusée dans le bois, et au fond, assis en demi-cercle, 3 des 4 sages du conseil. Un vieil écureuil siégeait entouré d'une fourmi et d'un oiseau. « Entrez, entrez !» Berthold restait au dehors. Personne ne devait assister au jugement du conseil. Personne d'autre que le conseil les accusait. « Entrez, Squeak et Mila ! Des baïfouich, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Des baïfouich. » »« Écoutez, je comprends pas pourquoi vous nous accusez, puis... »« On vous a pas donné la parole !» La fourmi avait haussé la voix. Elle semblait nerveuse. « Calmez-vous, Ziggy, mon ami, calmez-vous. Je suis César, le chef du conseil des Halles. Voici Ziggy, représentante des insectes. Voltaire, le représentant des oiseaux. Moi, je représente les mammifères. Et Brutus n'est pas là ?»« Non, il n'a pas voulu sortir de sa rivière. Il disait que tant qu'on fera des réunions ici, ce sera pas possible pour lui. C'est un peu trop sec. »« Tu ! Cette vieille morue a les arêtes qui flémardent, c'est tout !»« Très bien, très bien. » Je déclare cette séance ouverte. Oublie. Ziggy était super lourd. C'était eux les sages des Halles ? Mila et moi avions échangé un regard inquiet. Nous sommes là pour vous écouter. Racontez-nous tout depuis le début. D'où vous venez et qu'est-ce que vous venez faire ici ? J'y vais ? Ouais. Et j'ai tout raconté. Wish City, les Baïfouich, les Creuseurs, le grand chambardement, lorsque le grand trou est apparu dans une galerie, l'arrivée des rats, la bataille, la mort de Booze. Mon cœur battait à tout rompre. Les larmes affluaient lorsque j'évoquais Booze, mon vieil ami. 3 sages baissèrent la tête par compassion. Notre arrivée dans le Nouveau Monde. La découverte du soleil, l'attaque de Pierre-Jean Grégoire, tout le reste. Et nous avons été sauvés par Berthold. Et voilà pourquoi nous sommes à Éole. Si nous n'avions pas rencontré Berthold, je sais pas si nous aurions survécu. Nous sommes... Tout est si étrange pour nous ici, si différent. Dans les cavernes, tout est si différent. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Et pourquoi donc ? Nous apportez-vous quelque chose en échange ? Non. Mais juste... par cœur. Le cœur ! Ouais ! Le cœur ! Et il sait même pas ce que c'est que vivre ici, dans... Vous appelez ça le Nouveau Monde, vous ! Dans notre monde à nous ! Une bien étrange histoire. Vous avez dû souffrir. Oui, souffrir. Nous avons perdu notre meilleur ami. Pour sauver notre monde à nous. Sauver votre monde, oui, mais avez-vous pensé un seul instant aux conséquences ? Aux conséquences ? Comment ça, les conséquences ? Vous avez voulu emprisonner les rats dans la galerie Est, là où était le grand trou, n'est-ce pas ? Oui, mais... Et le seul moyen de survivre était de passer ce même grand trou. Et donc, d'arriver dans notre monde. Ces rats-là ne sont pas comme les rats que nous connaissons, d'après vos dires. Ils sont plus nombreux, plus vindicatifs, plus intelligents surtout. Et donc plus dangereux. C'est vrai, mais... Et où sont-ils désormais ? Ils sont... Oui. Le vieux César avait le regard triste. Nous leur avions amené les rats. Nous avions sauvé Wish City. Maintenant, Eol était sûrement en danger. Bye, Wish.